إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن دين الإسلام مبني على أصلين عظيمين وركيزتين أساسيتين: الإخلاص لله جل وعلا، والاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وخير طريق يكون به الاتباع المحمود هو طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ طريقه عليه الصلاة والسلام هو المعين الصافي ومصدر النور والهدى، والبعد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو الجنوح عنه بلية عظمى وفتنة كبرى يدعو إليها عدو الأمة إبليس وحزبه، يستغل جهل بعض المسلمين لدينهم أو ميلهم مع الهوى فيزين لهم ما ليس بمشروع ويحسن لهم ما ليس بمحمود. ولذلك انحرف بعض عن سواء السبيل فشوهوا حقيقة الدين، وأصبحوا لا يفرقون بين الحق والباطل ولا يعرفون السنة من خلافها، فظنوا الحسن قبيحا والقبيح حسنا. فصدق فيهم قول الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فما يفتح لهم الشيطان بابا من الضلال إلا ولجوه، ولا يزين لهم طريقا من طرق البدع إلا سلكوه. Chers musulmans et musulmanes, sachez que la religion musulmane, la seule et unique religion agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, est basée sur deux piliers essentiels. Le premier est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, et le second pilier est le suivi de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla nous dit selon le sens: quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte et ils ne seront point attristés. Celui qui soumet à Allah son être, c'est-à-dire qui voue toutes ses adorations à Allah Azza wa Jal exclusivement, en faisant le bien, c'est-à-dire en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cela, Allah Azza wa Jal leur promet alors une rétribution auprès de lui, et Allah Azza wa Jal nous informe qu'ils ne connaîtront ni crainte et ils ne seront point attristés. Et la meilleure des voies qui nous permet de suivre comme il se doit est la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette source limpide et c'est l'origine de la propagation de la lumière ainsi de la guidée. Et le fait de s'éloigner de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le fait de s'en dévier, est une immense catastrophe. Et c'est ce à quoi l'ennemi de la communauté musulmane, l'ennemi déclaré de chaque musulman, à savoir Satan et son armée, appelle les musulmans à dévier et à emprunter une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le diable utilise pour cela différentes ruses et différents stratagèmes. Le plus souvent, il utilise l'ignorance de certains musulmans qu'ils ont de leur religion pour les faire dévier de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, il utilise le fait que certains musulmans tendent à suivre leur passion. Ainsi, le diable vient leur embellir ce qui n'est pas légiféré dans la religion d'Allah. Il vient leur rendre bon ce qui est mauvais dans la religion d'Allah. Et il vient leur inculquer le fait de suivre fanatiquement des avis ou des hommes pour ainsi détourner ces musulmans du suivi des preuves et de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci explique, chers musulmans et musulmanes, que certains ont dévié de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en déviant de la voie prophétique, ils ont changé et entaché la vérité et la réalité de cette religion. Ces gens ne savent plus différencier entre le vrai et le faux. Ils ne connaissent plus la sunna de ce qui contredit la sunna. Et ils considèrent ce qui est bon comme mauvais et ce qui est mauvais comme bon. Et sur ces personnes s'applique la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Kahf, selon le sens, dit « Voulez-vous que nous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils imaginaient faire le bien ?» Ils pensaient faire le bien, ils pensaient adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit, mais en réalité, ils ont innové dans la religion d'Allah. Et plus ils ont adoré Allah Azza wa Jal de cette façon innovée, et plus ils se sont éloignés de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ces personnes n'ont pas laissé une porte que le diable leur a ouverte, sans qu'ils ne s'empressent de la franchir. Et ces personnes n'ont pas laissé une voie de l'égarement et de l'innovation que leur a tracé le diable sans qu'il ne l'ait suivi. Ayyuha al-muslimun, la shay'a ba'da ash-shirk a'zamu fasadan lid-din wa aktharu tafriqan li shamli al-ummati min al-bid'a ja'alat al-muslimina shi'an wa ahzaba shattatat shamlahum wa ja'alatuhum luqmatan sa'iratan li'a'da'ihim وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وجاءت نصوص متكاثرة والأدلة المتضافرة في وجوب اتباع السنة والتحذير من البدعة وكشف سوء عاقبتها في الدنيا والآخرة فهذا كتاب ربنا يبين لنا عظيم ثواب الاتباع وكبير خطر الابتداع يقول عز وجل يوم تبيض وجوه قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع ويقول عز شأنه مبينا أن البدعة تفريق للدين وخروج عن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وجاء عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا هم أصحاب الأهواء والبدع والضلالة من هذه الأمة ثم اعلموا أيها المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته مشفق عليهم رحيم بهم حذرهم من الابتداع أشد التحذير وأوصاهم باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين فلا تخالفوا أمره ولا تنتهجوا غير نهجه تمسكوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنوا بسنته يكن منهجكم سويا سليما وصحيحا مستقيما. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء: وهذا الحديث ثلث العلم، لأنه جمع وجوه أمر المخالفة لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وفي الحديث يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أصل الشر والفساد، يقول محذرا: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. Chers musulmans et musulmanes, sachez qu'il n'y a pas un mal plus dévastateur et plus dangereux pour la religion après le polythéisme que les innovations dans la religion. Les innovations ont été la cause de diviser et de séparer les musulmans. Les innovations ont émietté les rangs des musulmans et ont fait de ces musulmans des bouchers mis à la disposition de leurs ennemis. Il dit subhanahu wa ta'ala: et voilà mon chemin, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Et nombreux sont les textes dans le Coran et dans la Sunna qui ordonnent de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et met en garde contre le fait d'innover dans la religion d'Allah. Allah Azza wa Jal dit, pour nous montrer la récompense qui est réservée le jour du jugement à ceux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le châtiment qui est réservé également entre autres à ceux qui dévient de la voie prophétique, il dit Azza wa Jal: le jour où des visages seront blanchis et d'autres seront noircis. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit: les visages des gens de la sunna seront blanchis le jour du jugement, et les visages des gens de l'innovation seront assombris et noircis le jour du jugement. Et Allah Azza wa Jal nous montre que les innovations sont la cause de la division dans la religion et sont la cause que la personne dévie de la voie des prophètes et envoyés d'Allah. Il dit Azza wa Jal selon le sens: ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. Allah Azza wa Jal s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant qu'il n'est en rien responsable de ceux qui ont été la cause que la religion et que les musulmans se divisent. Allah Azza wa Jal dit par la suite selon le sens: leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Et certains savants ont dit, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, leur sort ne dépend que d'Allah. Ils disent que ceux qui innovent dans la religion d'Allah Azza wa Jal, ils ne savent pas ce qui les attend. Ils ne savent pas ce qui les attend comme réprimande le jour du jugement. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est envers sa communauté compatissant, qui est envers sa communauté miséricordieux alayhi salatu wa sallam, a mis en garde sa communauté de façon extrêmement ferme contre l'innovation. Et il nous a ordonné, sallallahu alayhi wa sallam, de suivre sa sunnah, ainsi que la sunnah de ses califes bien guidés. Ne désobéissez donc pas à cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô musulmans et musulmanes, et ne déviez pas de la voie que nous a tracée, que nous a enseignée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Accrochez-vous à sa voie et mettez en application sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Vous serez alors bien guidés et vous serez de façon certaine sur le droit chemin. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui innove dans nos commandements ce qui n'en fait pas partie sera rejeté. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui accomplit un acte sans qu'il n'y ait notre recommandation est un acte rejeté. Les savants ont dit que ce hadith représente le tiers de la science, car dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemble les différentes formes de contradiction à ses ordres sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous enjoint alayhi salatu wa sallam en nous disant « Et suivez ma sunnah et la sunnah de mes califes bien guidés après moi, accrochez-vous à elle et mordez-la à pleines dents. » Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que la base du mal réside dans l'innovation, dans la religion. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, et prenez garde aux nouvelles choses dans la religion, car toute nouvelle chose dans la religion est innovation, et toute innovation est égarement. Et il disait sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commençait ses discours du vendredi, je dis ensuite, la meilleure des paroles est le livre d'Allah, et la meilleure des voix est la voix de Muhammad, et la pire des choses nouvelles, et ce sont les choses nouvelles dans la religion, et toute innovation est égarement. Ayuha al-Muslimun, wa ala nahji sunnati wal-huda, sara salafuna s-salih, min as-sahabati wal-tabi'in, wa tabi'ihim, fahada siddiqul ummah, أبو بكر رضي الله عنه يقول إنما أنا متبع وليس بمبتدع فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقوموني وفي سنن أبي داود عن حذيفة رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا كلية مجمع عليها وأصل متفق عليه بينهم رضي الله عنهم قال أنس رضي الله عنه اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وها هم التابعون لهم من أهل الحديث والأثر يأخذون منهجهم ويرتسمون خطاهم فعن غير واحد منهم من التابعين قالوا صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا من صلاة وصيام إلا ازداد من الله بعدا والبدعة ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والأربعة الخلفاء الراشدون إما بالاعتقاد بخلاف الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإما بالتعبد بما لم يأذن الله به وليس في الدين بدعة حسنة وما أجمل قول إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى إذ يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا ومنهج السلف رحمهم الله مع المبتدع مناصحته وإقامة الحجة عليه بكل حكمة ولين ومتى عاند هذا المبتدع واستكبر عن الحق وجب هجره إن كانت بدعته مكفرة وإن كانت دون ذلك فالأصل هو الهجر إلا إذا إن كانت في مجالسته مصلحة ظاهرة لتبيين الحق والتحذير من البدعة، وإلا وجب الابتعاد عنه مطلقا. فكان السلف رضي الله عنهم إذا هجروا المبتدع تركوا السلام عليه وزيارته وعيادته. ألا وإن من هجر المبتدعة ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس. ومن مفهوم الولاء والبراء في الدين عدم تعظيم المبتدع أو الثناء عليه مطلقا، فهذا دأب المؤمنين الصالحين المعتصمين بكتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que c'est également la voie qu'ont emprunté nos pieux prédécesseurs parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui les ont suivis. Le véridique de cette communauté, Abu Bakr radiallahu anhu, a dit « Je fais partie des suiveurs et je ne suis en aucun cas un innovateur. Si je suis la voie droite, alors suivez-moi. » Et si je dévie, alors rectifiez-moi. Et dans les sunnans de l'imam Abu Daoud, selon Hudayfa radiallahu anhu, il dit, toute adoration que n'ont pas accomplie les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'adorez pas Allah de cette façon, car les premiers n'ont plus rien laissé aux derniers. Les premiers, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons radiallahu anhum, ont adoré Allah Azza wa Jal comme il se doit. Personne après eux ne peut mieux adorer Allah Azza wa Jal qu'eux. Ainsi, ils n'ont laissé à ceux qui sont venus après eux aucun moyen de les surpasser. C'est une chose qui fait l'unanimité des compagnons radiallahu anhum. Anas radiallahu anhu a dit, Suivez nos traces et n'innovez pas, car nous vous suffisons. Et les tabi'in, la génération qui a suivi celle des compagnons radiallahu anhum, ont suivi la même voie et ont emprunté le même chemin. Beaucoup d'entre eux ont dit, celui qui commet des innovations n'augmente les efforts de sa prière et de son jeûne qu'en augmentant son éloignement d'Allah Azza wa Jal. Plus l'innovateur qui adore Allah Azza wa Jal de façon innovée produira des efforts et fera des adorations innovées, il pensera à se rapprocher d'Allah, mais en réalité il ne fera que s'en éloigner. L'innovation, chers musulmans et musulmanes, est le fait d'innover une chose contraire à ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les quatre califes bien guidés, que ce soit dans la croyance ou que ce soit dans les adorations. Et il n'y a pas en islam de bonne innovation. Et comme est belle et comme est éloquente la parole de l'imam Malik rahimahullah, lorsqu'il dit, celui qui innove dans la religion musulmane, une innovation qu'il considère bonne, a alors prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Car Allah azza wa jalla a dit dans son noble livre, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Puis il dit, rahimahullah, ce qui n'était pas une religion à l'époque ne peut être une religion aujourd'hui. Ce qui ne faisait pas partie de l'islam au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons ne peut pas faire partie de l'islam après eux à notre époque. Et la voix des salafs face aux innovateurs et le fait de les conseiller et d'apporter les preuves qui réfutent leur égarement, et ceci de façon sage et de façon réfléchie. Et lorsque cet innovateur s'entête ou lorsqu'il refuse la vérité, alors il est obligatoire de l'éviter et de se mettre en quarantaine vis-à-vis de lui si son innovation est une innovation qui fait sortir de l'islam. Et si c'est une innovation qui ne fait pas sortir de l'islam, il est autorisé s'il y a, et uniquement s'il y a, un quelconque bénéfice à le conseiller, s'il y a un moyen de faire en sorte que la vérité éclate, et un moyen de mettre en garde contre cette innovation, alors il est autorisé. Dans le cas contraire, il faut s'en éloigner. Et nos pieux prédécesseurs, lorsqu'ils s'éloignaient de l'innovateur, ils ne le saluaient pas, ils ne lui rendaient pas visite et ne le côtoyaient pas. Et fait partie de l'éloignement des gens de l'innovation, le fait de ne pas lire et de ne pas écouter, de ne pas lire leurs livres et de ne pas écouter leurs cours et leurs conférences, de peur que la personne soit inculquée et soit victime d'une de leurs ambiguïtés. Et également ceci, afin que l'innovation de ces innovateurs ne circule pas entre les gens. Et fait partie également des positions que le musulman se doit d'avoir face à l'innovateur, de ne pas immensifier l'innovateur et de ne pas faire des éloges inconditionnels sur lui. Ainsi étaient les pieux prédécesseurs parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis face aux innovateurs. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن بعد أيام قليلة سيدخل علينا شهر رجب وشهر رجب من الأشهر الحرم التي يجب فيها تعظيم أمر الله وترك ما حرم الله جل وعلا كغيره من الأوقات والشهور ولكن لم يثبت أن للعبادة فيه مزية على غيره من الشهور قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة ولم يصح شيء من ذلك وأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح وأما الاعتمار فقد أنكرت عائشة رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب بل هو كغيره من الشهور وأما الصيام فلم يصح في فضل صيام رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ولا عن أحد من أصحابه انتهى كلامه رحمه الله وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que lundi prochain ou mardi entrera le mois sacré de Rajab. Le mois de Rajab est un des mois sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un mois dans lequel les ordres d'Allah Azzawajal doivent être immensifiés, un mois dans lequel les interdits d'Allah Azzawajal doivent être évités, comme dans les autres mois. Mais le mois de Rajab est un mois sacré qui demande aux musulmans plus d'efforts et plus de considération. Et il n'est rapporté aucune adoration particulière à accomplir pendant ce mois de Rajab. Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullah, a dit, et il est rapporté que certains faits ont eu lieu pendant le mois de Rajab, que certains faits importants ont eu lieu pendant le mois de Rajab, mais tout ce qui est rapporté à ce sujet n'est pas authentique. Quant à la prière, il n'y a rien d'authentique qui prouve qu'il y a une prière particulière à accomplir pendant le mois de Rajab. Cela n'est rapporté ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons. Et quant à la prière appelée Ar-Ragha'ib, qui est une prière que des innovateurs accomplissent après la prière du Maghrib, le premier vendredi du mois de Rajab, c'est les hadiths apportés à ce sujet sont des hadiths mensongers qui ne sont en aucun cas les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au fait d'accomplir la Umrah pendant le mois de Rajab, Aïcha radiallahu anha a totalement nié le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait accompli une Umrah pendant le mois de Rajab. Au contraire, le mois de Rajab est comme tous les autres mois concernant la Umrah. Hormis bien sûr le mois du Ramadan. Il n'y a rien également de rapporté, d'authentique, sur le mérite de jeûner un quelconque jour pendant le mois de Rajab. Cela n'est rapporté ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons. Et ceux également qui célèbrent la nuit de l'ascension, du voyage et de l'ascension nocturne, à savoir ceux qui célèbrent la 27e nuit de Rajab, également cela n'est aucunement rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de façon plus générale, rien ne vient prouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé de la Mecque à Jérusalem, puis est monté aux cieux la 27e nuit de Rajab. Et si cela était authentique, il n'y a rien qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons n'ont célébré cette 27e nuit du mois de Rajab. فاحذروا أيها المسلمون احذروا مما ليس بمشروع والزموا السنة في كل شيء تفوزوا وتسعدوا بخير الدنيا والآخرة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين